بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الدرس الماضي أخذنا فصلا في ذكر بعض الآيات في الصفات. C'est un verset par rapport aux صفات، relatif aux صفات. والإنسان واصل في ذكر بعض أحاديث الصفات. Maintenant, car comme tu sais, on prend notre religion du Kitab et de la Sunna à la fin des Salaf. Et on a pris au début des kalams des Salaf dans le tahdhir de la Bid'a. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. Que notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala descend chaque nuit au ciel de la dunya. Et ce hadith est le mutafakun alayhi. Ce hadith même il est mutawatir. Il a été rapporté par près d'une vingtaine de sahaba. Près d'une vingtaine de sahaba takriban. Et hadha, donc là, on est obligé de faire un isbet de cette sifat qui est de nuzul. Sans faire de tahrif, ni de ta'til, ni de takif, ni de tamthil. Et la différence qu'il y a entre le tahrif et le ta'til, c'est que le tahrif, il a lieu sur le dalil. C'est-à-dire que le dalil, tu l'altères, tu le changes. Ou le ta'til, il a lieu sur quoi? Sur le madloul. La chose, le résultat en fait. La chose que tu veux prouver. C'est le ta'til, il a lieu là-dessus directement, sur le madloul. On dit tahrif et nusus, wa ta'til et sifat. Donc c'est un nuzul haqiqi qui revient ou qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il descend comme lui veut, comme cela lui convient. Et c'est une sifat fi'liya. Comme on l'a pris dans le Taksim, c'est une sifat fi'liya. Et les gens de ta'til, eux, ils l'ont awwal par nuzul amrihi, son décret, ou sa rahma, ou les anges. Un ange parmi les anges. Ils ont fait un ta'wil de ce nuzul par ça. Et on leur répond par ce qu'on a pris dans la qa'ida au début. Et kathalik, la fin du hadith, tarfad dhalik. La fin du hadith refuse cela. L'inna Allah yakul fihi, yani fil hadith qudsi, man yad'uni fastajib lah, wa man yastaghfiruni faghfir lah, wa man yas'aluni fa'tiyah. Qui donc me demande pardon, je lui pardonne. Qui donc m'invoque, je lui réponds. Qui donc me demande, je lui donne. Tu ne peux pas demander ça à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yastaghfiruni, c'est un malak qui descend. C'est du shirk. Donc ce hadith en lui-même, il éclaircit clairement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui descend. Naam, d'une descente qui lui convient. Thumma qal, un hadith, ya'jabu rabbuk min ash-shab laysat lahu sabwa. Que Allah est étonné, mon Seigneur est étonné, d'un jeune qui n'a pas de il y a une légèreté et frivolité dans sa jeunesse, un penchant vers la frivolité ou vers les futilités, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes. Naam, wa'ad al-hadith, qu'a l'Albani, dans ce que j'ai pu trouver, dans Al-Jami' al-Sahir, qu'a l'Anaoud Zaif. Lakin, Cheikh Othamine, yaskour, ijma' al-Ithbet hadith sifa. Car il y a une autre lecture dans le Coran qui est venue, qui l'affirme également. Fikullah Azawajel, Bel Ajabta Yaskharun, ça c'est ce qui est venu à la base. Et Fikira'a, Bel Ajibtu. Tout, Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même. Yaskharun. Et ça c'est une Kira'a qui est Thabita. C'est une lecture qui est connue et qui est authentique. Donc on affirme cette sifat de Ujb. Le hadith était apporté par Ahmed. Et le shir fait une ishara qu'a dit an Uqba ibn Amir radiallahu anhu. Et dedans il y a Ibn Lahi'a. Fait une ishara que le hadith il y a un kalam dessus. A la kullin fi ijma'a. A la ithbat sifat al-ujb lillah. Les salafs sont unanimes. Donc on doit affirmer cette sifat, kazalik. Et c'est un ujb haqiqi qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens du Tartil, ils ont voulu dire que c'est du majaz. Ils ont voulu dire que c'est du majaz. Et nous, on leur répond par la qaïda. Et en même temps, le majaz, on n'y croit pas. Il n'y a pas de majaz dans le Coran et là dans la langue arabe. هذا هو القول الصحيح ثم ذكر الشيخ أن العجب نوعان les deux sortes ce عجب cet étonnement يقول أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء donc le premier forme de عجب d'étonnement c'est une chose dont la cause échappe à celui qui s'étonne. Donc il en est surpris. Et bien sûr, ce ujb là, il est impossible pour Allah, car Allah, il n'y a rien qui lui échappe. Là, c'est un ujb pour une chose à laquelle tu ne t'y attends pas. Une chose que tu ne savais pas. Et le deuxième ujb, أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه ما علم متعجب. Donc là, le deuxième, c'est une chose qui sort de son ordinaire, en fait. Mais le muta'ajib, il le sait. Une chose, mesalane, qui sort de l'ordinaire, mais tu le sais, mais cela n'empêche que cela provoque du ujb. Et c'est celui-là qui est cité là dans, comme forme de ujb. Car Allah, il sait ce qui va se passer. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة que Allah rit de deux hommes l'un d'entre eux tue l'autre et les deux rentrent au Jannah والحديث est متفق عليه donc là c'est quel sifat duhak Le fait de rire, de rigoler. فَالدُّحَكْ مِنْ سِفَاتِ اللَّهِ ثَابِتَ لَهُ بِالسُّنَّةِ وَالْجِمَعِ D'accord ? بِالسُّنَّةِ وَالْجِمَعِ Et la fin du hadith, il explique comment ces deux hommes sont rentrés au Jannah. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد qu'il y en a un qui combat fi sabilillah dans le jihad il s'est tué par un homme et l'un c'est un musulman il s'est tué par l'ennemi donc cet homme tué par l'ennemi c'est un musulman le shahid il rentre au jannah et le deuxième qui l'a tué par la suite se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'islam et lui même finit par se faire tuer par la suite hadha pour pas qu'il y ait de tanakud avec le hadith إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار. Si les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le tueur et celui qui sera tué, les deux seront au nar. Il a dit كيف؟ Les sahaba ils ont dit هذا القاتل فما بال المقتول. Le tueur on comprend, mais le مقتول il a dit كان حارسا على قتل صاحبه. Il avait l'intention d'aller tuer son l'autre. Donc pour sa niya, il a été au feu. Même si c'est pas lui qui a tué, il avait la niya de tuer l'autre. Et là, dans le hadith, c'est entre un muslim et un qui ne l'était pas avant. Donc, الدحك نثبته لله صفة. Et les gens du ta'til, du tahrif, ils ont fait un ta'wil que ça, c'est un sawab. Comme on l'avait dit pour le wajj, comme ils avaient dit pour le mahabba, le rida. On dit c'est sawab. On dit là, tahrif, batil. Mayajouz. On le prend selon l'apparent. قال فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نحشده ولا نجحده ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهرة ولا نشبهه بصفات المخلوقين بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وكل ما يخير إلى الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. Donc là, il le précise bien que tout ce qui ressemble à ces hadiths-là, qui sont authentiques, on ne le rejette pas, on ne le refuse pas, on ne les interprète pas, d'accord, avec un ta'wil qui s'oppose à son apparent, hormis avec, en présence d'un dalil qui amène à cela. On ne fait pas pour autant ressembler cette sifat au sifat des makhloukines et aux caractéristiques des choses qui sont créées. Et on sait que Allah, il n'y a rien qui lui ressemble, comme dans le verset, laissa ka misli shay wa huwa samiu al-basir, il y a rien qui est comme lui, et il est l'audient et le clairvoyant. Et tout ce qui peut te venir à l'esprit, que tu pourrais essayer de t'imaginer, Allah n'est khalif dhalik. Vous voyez, Allah n'est pas comme cela. Quoi que tu t'imagines, Allah n'est pas comme cela. ثم ذكر من ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن qui instauré sur le arche. Donc cette sifat qui est l'istiwa, c'est une sifat sur le arche. On avait dit que c'est une sifat qui est استوى. نعم. Et فعلية et elle est liée au arche. Elle est liée au arche. C'est une sifat, elle a un lien avec le arche. Mais que Allah n'a pas besoin du arche, bila shak. Lakin istiwa, yani muqtadin bil arche. Donc c'est une sifat qui est affirmée par le kitab wa sunna, et l'ijma, les salaf. Et dans le Coran, comme dit le shir, ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضيع من القرآن. Sept versets du Coran, il le cite. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Lorsque Allah a fini la création, il a écrit un livre qui est auprès de lui au-dessus du arch et qu'il a dit que ma miséricorde a devancé ma colère. Donc on affirme cette sifat de l'istiwa. Et c'est un istiwa qui est haqiqi. Ma'anahu al-ulu wal-istikrar ala wajh yaliku billahi ta'ala. C'est-à-dire que Allah est élevé et instauré d'une façon qui lui convient. Et eux, les gens du Ta'atil, ils ont changé le terme, ils ont fait un tahlif lafzi cette fois. Ils disent c'est pas istiwa ou c'est istawla. C'est pas istawa, c'est istawla. Qui est le fait de s'emparer, dominer. Fahada, en premier lieu, on dit que l'istiwa n'est pas venu dans ce sens-là, dans le Coran, abaden dans la langue des Arabes. Wa kazalik, qu'on rejette cela parce qu'il est venu dans la qa'ida du début, que le texte on le prend selon l'apparent. Wa shaythani, comme le cite Shir, أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. Que le arche n'était pas dans le royaume d'Allah, qu'il ne contrôlait pas, et après il s'en apparaît et il l'a contrôlé. Hada mustahil, ça c'est impossible. Hada kouf. Wa al-arsh ma huwa as-salir al-khas bil-malik. À la base, le arche, comme on dit, c'est le trône en fait. En français, on appelle ça un trône. Et que le arche, c'est la plus grande des créatures. Et la plus haute des créatures. Et la plus grande. ووصفه الله بأنه عظيم ذو العرش العظيم ومجيد. تمام. Il était décrit comme étant عظيم, comme étant كريم, comme étant مجيد. Par contre, le كرسي, comme on l'expliquait, le كرسي c'est pas l'arche, c'est autre chose. كما فسره ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. Que le coursi, c'est le marchepied en fait. Et que le arche, il n'y a personne qui peut s'imaginer sa grandeur. Là, il y a un ishkel qui pourrait être fait, c'est dans le hadith qu'on a cité auparavant, par rapport au kitab. Quand inna Allah, la maqad al-khalq, kataba indahu fuq. Inna Allah, la maqad al-khalq, kataba indahu, yani kitaban, fuq arshihi. Qui est un livre qui est au-dessus du arsh. Et là, on a dit que le arsh, c'est la plus haute des créatures. Après qu'on ait questionné certains des machères, ils ont dit, il n'y a pas d'empêchement, le arsh, on ne sait pas comment il se constitue. Il se peut qu'il est parti plus haut que l'autre. On ne sait pas comment c'est, et il n'est pas impossible, mathalène, que le kitab soit un endroit du arsh, et qu'il y ait des abords ou autres qui sont plus hauts que ce kitab-là. Allah alam. Ils ont dit, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas de tana code. On ne sait pas le arsh, comment il est constitué. Quand on dit les hauts du arsh, c'est ma yalzam en yakoud mathalène, totalement au-dessus. Après, s'il y a une autre réponse donnée par des ulama, on l'a pas trouvé. On a demandé au machir parce qu'il savait pas. Et déjà au bihmis la hadam, le shabbat jamel, waridihi. Maintenant, s'il y a un kelem d'un imam ou quoi parmi les salaf ou quoi, là, c'est celui qui le trouve, faïda, jamila. Mais on sait qu'il n'y a pas de tanako entre les nosos. ثم قال من الآيات آمنتم من في السماء آمنتم من في السماء يعني vous sentez-vous à l'abri de celui qui est aux cieux, qui est dans les cieux. فهذه الصفة الرابعة عشر العلو l'élévation. Elle est partie des sifat qui sont faits habitat par le kitab, la sunna et l'ijma. Et le ulu, c'est une sifat qui est zaatiya. C'est une sifat qui est zaatiya. Kazali, qu'on a oublié de préciser, et dohak, c'est une sifat qui est quoi? Fi'liya. Ou le ujb? Bon, des fois, ça peut être comme le kelem, ça peut être les deux. Donc, le ulu, que Allah est élevé, ça c'est un sujet qui a énormément de dalil à l'appui. La salaine qu'Allah Azza wa Jal, wa wal aliyu al-azim. Al-aliyu al-azim. Al-ali, ma'khoud min al-ulu. Très haut. Et dans le sujoud, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Subhana Rabbi al-A'la, le plus haut. Comme il dit dans le Coran, Surat al-A'la, كذلك, على هذا. Donc ça, ce ulu, nous bitou. Thumma dhakara shay' an al-ulu yanqasim ila qismayn. Ulu sifat, celui qui est l'attribut. Le ulu de la sifat, c'est-à-dire que c'est sifat, Allah subhanahu wa ta'ala, kulluha ulia. Elles sont toutes hautes. Elles n'ont aucun ox. Wa ulu al-dhat. Le ulu de l'essence d'Allah. Allah en lui-même. Que Allah, il est fouk jamia makhlouqati, au-dessus de toutes ses créatures. Il y a un autre taksim qui a été fait dans le ulu, qui est ulu al-qadr, c'est-à-dire la valeur, que Allah a la plus haute valeur. Ulu al-qahr, la domination, qu'Allah domine toutes choses. Et ces deux formes de ulu, les mutadiales ou infirmées. Là où il y a le khilaf, c'est ulu al-dhat. C'est ce qu'on vient de citer à l'instant. Le sens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui-là, les mutadiales n'ont pas accepté. Il est maqbul inda al-sunnah faqat. Car eux, ils n'acceptent pas et ils font un ta'wil. Car pour eux, ça fait ressembler à Allah, la créature. Et ça met Allah quelque part, en un lieu. On dit le ulu, sifat, qui est fiatoua, majhoula lana. On ne la connaît pas. ومن الأحاديث حديث الأجارية الاسكلاف فهم لسك النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجي إن الله قالت في السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله فقال لمعاوية بن حكم احتقها فإنها مؤمنة libérée car c'est une croyante. Après on est sur le parti pour aller essayer de faire entendre dans l'isnad de ce hadith qui est chez Muslim. Mais le hadith ثابت. Et certains ont dit que cette femme, comme c'est connu chez les soufis et les mu'tazila, elle était majnouna. Cette jahiliya était majnouna. Elle était folle. Et ça, en réalité, ça revient à entendre un nabi sallallahu alayhi wa sallam yakbal kol majnoun fi zatillah. Qu'il accepte le kol d'une folle parce qu'il touche à Allah. Ou le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le majnoun, فهمت ليس بعدل on parle dans le adl ou quelqu'un dans le khaba l'accepte comme ça et les jeunes tartiles ils ont dit qu'en fait Fissama c'est son mulk c'est son sultan sa autorité son royaume et les zalika wa hada kol batil taban et également min adilat al-aql hadi adilat tuthbit al-ulu lillah que même la raison elle le conçoit que forcément une chose meilleure que toi elle est au-dessus de toi elle ne peut être que supérieure à toi min hadha kadhalik rasuf ad-du'a min ayn arfa' ayna aydiyana ila as-sama wa lève nos mains vers le ciel an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma wal mi'raj ce qu'on appelle l'ascension nabi sallam il est descendu est-ce qu'il est parti à droite est-ce qu'il est parti à gauche il est monté Il est élevé aux cieux. Et même tu les vois chez les koufars, quand ils sont pris d'effroi et ils sont perdus, ils ne savent plus où se tourner, dans une situation qui est trop qui est insurmontable pour eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent pas pourquoi en regardant vers les cieux. Même les athées, ils regardent vers les cieux, ils disent pourquoi ? Tu crois que c'est pourquoi, c'est vers qui ils le tournent ? C'est leur fitra qui passe, c'est vers leur rab. Même s'il te dit non, je ne crois pas, tu dis pourquoi tu ne regardes pas tes chaussures alors ? Pourquoi tu regardes vers le ciel ? Et pourquoi ? À qui tu demandes ? Il n'y a personne à côté de toi ou personne ne peut te répondre. À qui tu demandes ? À qui tu demandes à ce moment-là ? Pourquoi ? Fil haqiqa, fitratuhum, là c'est la fitra qui agit et ils interrogent leur Seigneur. Pourquoi ? Famine huna qu'Allah azza wa jal, comme ta'alam l'aya, la yus'alu amma yaf'al, hum yus'alun. On n'interroge pas sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Car les gens ont tendance à faire cela. Pourquoi ? أمام لماذا؟ هنا التنبيه كذلك كي معنى في السماء هنا في حرف جر بمعنى هذا الحرف on avait expliqué déjà معنى في c'est dans le code d'ici بمعنى أخرى d'autres sens qui peut avoir le sens de على sur هذا هو مقصود en fait que Allah est au-dessus des cieux il n'est pas dans les cieux كفي كل عز وجل Je vais vous crucifier. C'est en fait c'est sur le tronc, c'est pas dans le tronc, comme l'a dit Philon, c'est Sahara. Il n'y a pas d'animal sur terre sans que sa subsistance n'a comme Allah. Il n'a pas dit Al Ard. Alors qu'à la base, les animaux, ils sont sur terre. هكذا دونك في يتم معنى على كم دي فوا بي يتم معنى في غير ذلك دونك لا سي لو معنى الا هنا انا التاويل كي صحيح هذه قرائن قرائن دي قرائن سي با تحريف كما يفون او on a d'autres hadiths qui montrent bien comment les sept cieux sont exposés au côté il y a de l'eau et au côté il y a de l'arche donc Allah est au-dessus Et là-dessus. ثم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك parmi الأجلة notre Seigneur Allah est dans les cieux. Et le hadith de la Jariya, comme on l'a lu, on va parler de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من رهبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Qu'il a dit Hussein, je crois que c'est Hussein ibn Umran quand il s'est converti. D'ailleurs, le premier hadith, il est da'af par l'Albani. Mani Rabbuna Allahu lazi fi samaka Allah, notre Seigneur celui qui est aux cieux, dans les cieux. Mais le ma'na est sahih. Celui-là, je n'ai pas de takhrij. Ibran ibn Hussein, apparemment. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit combien as-tu de divinité, combien as-tu de divinité, il a dit 7, 6 qui sont sur la terre et une qui est dans le ciel. Il a dit vers qui se tourne ta peur et ta convoitise? Il a dit celui qui est dans le ciel. Il a dit alors laisse les 6 autres et garde celui et adore celui qui est dans le ciel. Et je vais t'apprendre 2 invocations. Et là à ce moment-là il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné 2 doa. Qui est, oh Allah, accorde-moi la droiture, rujdi, ou préserve-moi du mal de mon âme, de mon nefs. Thumma zakara, wa fima nuqila min alamat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi fi kutub mutakaddimati annahum yasjuduna bil ard wa yaz'amuna anna ilahahum fi s-sama. Parmi les choses qui ont été citées dans les livres anciens à propos du signe, des signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne vienne et de sa communauté, de ses compagnons, qu'ils se prosternent sur terre et qu'ils prétendent que leur divinité est aux cieux et dans le ciel. Déjà, en premier lieu, ce Afar, il n'a pas de sanad, rien du tout. Ça peut être chez les Israéliyat, ce qui a rapporté de Bani Israël et les Zalika. Donc, à Zalika, comment il y a ce qu'on le Shir ibn Usaymin, ce Afar, de toute façon, il kharaf le waqi', car ça, c'est des choses qui n'étaient pas propres au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le sujoud était connu dans les autres Oumams. Et le fait que Allah est dans les cieux, Kazalik, était connu chez Moussa et chez les autres Anbiya, ils le savaient tous. Donc, ce n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce Afar, là, il y a ce ثم ذكر قال روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء والأرض مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر لقوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. Le hadith on est pris dans Kitab Tawhid qu'entre chaque ciel il y a telle et telle distance. C'était 500 ans, je ne sais pas si tu te rappelles. Et à la fin du khabar du hadith, il dit « Et au-dessus de tout cela, il y a le arche. Et Allah est au-dessus de tout cela. » Et le hadith « Wadzaif. » Ma'ana al-ma'ana, sahih. Qala « Fama ajbaha mimma ajma' al-salaf rahmahumullah ala naql wa qabouli wa lam yataghradu li raddi wa la ta'wil wa la tajbih wa la tamthil. » Donc quoi, ce sont tous les hadiths qui sont venus par rapport aux sifat que les salafs les ont acceptés. Ils ne les ont pas contestés, ils ne les ont pas interprétés, ils ne les ont pas rejetés. Ils n'ont pas fait de tajbih, ni de tamthil, ni de ta'wil. Qala su'ila Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala. Ya Aba Abdillah ar-Rahman ar-Rash istawa. Kayf istawa? Qala al-istiwa'u ghayr majhul, wal-kayf ghayr ma'qul. Wal-imanu bihi wajib. وسأل عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج. La fameuse histoire de Imam Malik lorsqu'il fait interroger à propos de l'istiwa. L'homme il a dit comment istawa? Comment? Il a dit l'istiwa est quelque chose qui est connu. Le kayf n'est pas concevable et la foi en cela est obligatoire et la question à son encontre voir son sujet, est une bid'a. Et en plus, par la suite, il ordonna que l'homme soit sorti de sa halqa. Faza ma'rouf. Et Malik ibn Anas, contrairement à ce que des gens au début, quand ils ne connaissent pas bien les gens, pourraient avoir comme confusion, ce n'est pas le fils de Anas ibn Malik, bien évidemment. Même, il est venu bien après. Il est chez Atba' Tabi'in. Et Anas ibn Malik, c'est un sahabi. Donc là, c'était zikr par des hadiths et sifat. وغدا إن شاء الله نأخذ فصلا في كلام الله تعالى إذ هي التعم أن تعم في القرآن سننظر كيف مفهوم هذا بصنا الله برصة الحمد لله يبقى دور c'est des choses qu'on a déjà appris dans les deux précédents فإلى هنا والحمد لله رب العالمين